Là, il faudrait les gars dans votre barda. Une brune, une blonde, qui vous donnerait de sa tune à ses corps, une masse courante. Pourvu qu'elle est, qu'il faut du haut en bas. Une brune, une blonde, y'a rien de meilleur que ça. Voici donc qu'elle s'appelle Suzy Delair. C'est tout. C'est une fille aux grands yeux bleus dont les hommes étaient amoureux. Ils promettaient monts et merveilles, mais elle faisait la sourde oreille. Pourtant un jour elle est partie avec un gars qui lui a dit, en poussant un profond soupir, je n'ai pas grand chose à t'offrir. Un petit jardin, une maison, une rivière et sa chanson, rien que pour nous, c'est tout. Dans le jardin plein de senteurs, un cerisier et quelques fleurs, rien que pour nous, c'est tout. Sur notre toit des hirondelles, j'entends déjà leur ritournelle chanter pour nous. Et tout, dans la maison, un lit pour deux, pour être heureux même quand il pleut. Tout ça pour nous. Voici donc bien les trois titres différents. C'est pour un ami que je connais très bien. Elle s'appelle Lily Harmony. Donc un petit coucou. Voici donc. I'm doing my thing, and I'm doing it slow.

change pas. On ne cache qu'un instant de soi. Bonjour, c'est Lélie sur Radio Arc-en-Ciel. Voici donc Lélie avec son titre. Voici tout simplement un déclic. Je vais être loin.

et mes cerisiers des printemps pourris. Je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. À qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Tant que je pourrais traîner mes galoches, je fredonnerai cette chanson-là que j'aimais déjà quand j'étais gavroche, quand je traversais le temps des lilas, que d'autres que moi chantent pour des prunes. Moi je resterai fidèle à l'esprit qu'on a vu paraître avec la commune et qui souffle encore au cœur de Paris. À qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Voici donc Jacques Verrier et le titre Le Vieux Taxi. Il n'y a qu'une voiture, je n'ai pas le choix. Êtes-vous libre? Ouais, alors emmenez-moi. 10 minutes après, le moteur tournait. Dans un bruit d'avion, je quitte la station. Un vieux taxi et son chauffeur me trimballe dans Paris. À 15 à l'heure, le bonhomme conduit depuis 1900 sans avoir eu d'accident. Je n'ose pas lui dire que je suis pressé. Je lui souris et l'écoute bavarder. La guimbarde est prise soudain d'un tremblement. C'est la trouille du bâton blanc. Et que je te file des coups de trompette. Et fier qu'on double une charrette. Mais le feu rouge nous tient en respect. On tousse, on renifle, on crache, on recule, on repart. Ça y est, le vieux taxi et son chauffeur me font visiter Paris. À 15 à l'heure, j'ai fait presque tout le tour de la voiture. Sur le derrière, oh, j'ai l'allure. Bon Dieu que c'est dur, mais comme il fait un temps merveilleux et que c'est un Paris gros ce bon vieux, alors je ne dis rien, au fond, je m'amuse bien. Tant pis, je me fous de mon rendez-vous. Le vieux taxi et son chauffeur me trimballent dans Paris. À 15 à l'heure, on s'arrête de temps en temps au bistrot et on se tape un petit pernaut. 2, 3, 4. Maintenant je ne suis plus pressé. Pépère, emmenez-moi donc où vous voulez. Du coup on vient de doubler un autobus. À l'arrêt il faut être juste. Et que je te traverse les Tuileries. On est fiers de la patrie. Arrivé sur les Champs-Élysées, comme ceux de la Marne, bravement on a pas reculé. Mais comme hélas, tout a une fin. Nous nous séparons le lendemain matin. Tous les trois, un coup dans l'aile, on se quitte en pleurs. Le taxi, moi et le chauffeur, à 3 à l'heure. Orléans 96.2 FM, la radio qui nous aime. 16 millions. En France, nous sommes 16 millions à souffrir de maladies de peau, avec bien souvent un impact sur notre vie personnelle, sociale, professionnelle. L'expert, lui, il vous suit et vous soutient. Pose le diagnostic, vous aide à trouver des solutions adaptées, s'informe des avancées de la recherche pour vous en faire bénéficier. Lui, c'est le dermatologue. Ma peau, c'est ma vie. Mon dermatologue est l'expert. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site bienvivremapeau.fr. Une campagne co-signée par la Société française de dermatologie et Novartis. Un petit bonjour à Florian et voici deux morceaux portugais. Nossa festa está tão linda, a alegria está no ar. Eu e as minhas bailarinas estamos prontas para entrar. Quando a subida ao palco, quero ver tudo a mexer. Muitas palmas, minha gente, que eu vou cantar para vocês. Quero os pecinhos no ar. Desgraçado de quem precisa e na hora não. une marguerite, une grande tige, un gros cœur. Moi quand j'étais petite, j'étais souffre-douleur. J'étais beaucoup trop grande et j'étais qu'un sac d'os. Je savais pas me défendre, c'était vraiment atroce. J'étais sûrement trop différente, c'était peut-être mon côté grande brune. Moi je trouvais les autres filles méchantes, superficielles mais super belles. Hyper sensible, vous parlez d'un cadeau. Hyper sensible, j'ai tiré le gros lot. Les autres sont pas méchants. C'est sûrement de ta faute. Tu énerves les gens. Avec ce cœur à fleur de peau et tes grands yeux qui demandent qu'on t'aime. T'es un punching ball pour salaud. Parfait pour attiser la haine. J'étais gentille comme pas permis. Ça énervait mes camarades. Une gifle j'aurais dit merci. Mais la nuit j'en étais malade. Hypersensible. Vous parlez d'un cadeau. Hypersensible. J'ai tiré le gros lot. J'en ai plein le dos. Hypersensible. Je veux plus jouer les masos. Une dispute sous mon matelas peut vraiment me gâcher la vie. Je suis pas une attraction. Marre de faire le dos rond. Je veux plus qu'on me martyrise. Je veux plus jouer les soumises. Maintenant quand ça commence à sentir le roussi, je mets de la distance. Ça s'appelle faire le tri. Y'a moins de monde dans mon répertoire. Sans me la jouer capricieuse, jamais soupé du purgatoire. Quand j'ai gagné le droit d'être heureuse. Hypersensible. Allergique aux méchants. Hypersensible. Cœur tendre à 100%. Hypersensible. Lavage à 30 degrés. Hypersensible. Super qualité. Hypersensible. Repassage interdit. Hypersensible. Attention les faux plis. Leur souhaite le bon vent. Je leur souhaite le bon vent. Juste à l'instant, vous avez pu entendre tout simplement Kate Loris. Et voici un medley de Julia de Doris. Non, ne frappe plus chez moi. La porte est fermée pour toi. Non, ne reviens plus chez moi. Je ne veux plus être à toi. Oublie le passé, les rendez-vous, les secrets. Laisse les belles.

une taille faite autour, ne sachant rien de l'amour. Gigi, à son entrée dans le monde, elle jouait encore à la ronde. M'a-t-on dit relire, lire. Comme tous les gosses de Paris, elle avait de l'esprit. Gigi, et ses tantes le savaient bien, qui élevait pour son bien. Gigi, la grande dame à la gamine, chantait des rondes enfantines. Attentire, lire, lire. Elle lui enseignait toutes les façons d'aguicher les garçons les plus riches. Comment on montre un moléron à retroussant son jupon, sans quitter pour ça l'air innocent que l'on apprécie tant chez les femmes. Comment il faut farder ses joues et porter ses bijoux. Ces tantes étaient naguère des femmes dites légères. Quand on a l'esprit de famille, il faut plaire de mère en fille. Avec un monsieur très bien qu'elle appelait son cousin Gigi, elle patinait sur le lac et jouait au tric-trac. Gigi, elle serait comme une reine, aurait châteaux en Touraine. Ma tante relire, lire. Elle écoutait sans rien dire et poussait des soupirs. Gigi, non, elle n'avait pas rêvé tenir le haut du pavé. Gigi, elle espérait autre chose dans ses rêves bleus et roses. Ma tante relire long. Regardez le cousin en coin sans avoir l'air de rien. Et c'est bête, mais aucun autre homme vraiment ne lui plaisait autant. À quoi bon ne penser qu'à l'amour s'étend chaque jour. Lui répète, tu es Gigi, ne l'oublie pas, de celle qu'on n'épouse pas. Elle pleura toute la nuit, décida d'être à lui. Gigi, cabinet particulier en haut d'un escalier, tant pis. Mais il la trouva si belle qu'il la ramena chez elle et qu'il épousa Gigi. Ding, robe blanche à la Mériton, c'est Gigi qui se marie. Voici donc du Paso Doble. Thank you. Arc-en-ciel Orléans. Voici du swing. Allez, c'est parti, les gars, swing. Les filles à la vanille, wah, wah. Les gars au chocolat, wah, wah. Sur cette escroupine, wah, wah. En quoi tes bandanas, wah, wah. Qui n'a pas de dapé, vapé, vapé, vapé, vapé. Coupe de pépite dans le t-shirt d'ordinateur. Yeah! Loup de petits bouts dans les surprises parties. Et toi, chipi l'embrouille en short et bikini. Et tes cocos bohèmes en blouson d'aviateur. Et toutes le béguin pour un certain Johnny. Des morceaux d'aventure qui font battre les cœurs. Yeah! Les filles à la vanille, wah, wah. Les gars en chocolat, wah, wah. Tu sais qu'est-ce que tu fais, wah, wah, en quoi t'es pour ça, wah, wah. Il n'a pas de dapé, bapé, yeah. Regarde-moi ça comme une gigote, les filles à la vanille. Eh, hey, mais pourquoi tu rigoles? C'est bon, les filles à la vanille. Ouais, et ben pourquoi pas des filles en chocolat? Allez, montre mon chauffeur, allez, bien. Oh, swing, swing, swing, alors. Prom, prom, tourne disque au casque, posé sur un dépasse. Blanc de platine, yeah, yeah, qui se mettent à danser, yeah. Les filles à la vanille, wah, wah. Les gars au chocolat, wah, wah. Tu sais qu'est-ce que tu fais, wah, wah. En quoi t'es bon, wah, wah. Il n'a pas de tapé, ma pire, ma pire, ma pire, ma pire, yeah. Les filles à la vanille, wah, wah. Les gars au chocolat, wah, wah. Bon ben c'est bon, c'est plié, hein. Bonjour, c'est Ciliane sur Radio Arc-en-Ciel. Retrouvez-moi avec l'album Effervescence. Supporter seul face à cette maladie. peur. Voici donc qui s'appelle Jean-Claude Desastre et le titre Les coups. Elles doivent courber les chines sous les hommes qui les brillent. Partout leur cogne et réflexion, elles qui n'avaient que passion. Elles versent ces pauvres femmes, souvent le soir leur désespoir. De tort se sentent coupables et se blottissent dans le noir. Les coups font mal et marquent à vie. Plus de mains levées de mépris, mes yeux d'elles les ennemis. L'amour n'est pas de larmes écrites. Vos coups assez, assez, assez, les poings et un jour cessent. Sous leurs yeux on s'épouvant, de sombres marques choquant, comme des plaies qu'elles cachent, sous lunettes et fausses taches. Elles connaissent toutes les peurs et des blessures, les malheurs. À eux elles sont soumises, résignées sous leur emprise. Les coups font mal et marquent à vie. Plus de mains levées, de mépris, mes yeux d'elles les ennemis. L'amour n'est pas de larmes écrites. Beaucoup assez, assez, assez, les poings et injures cessés. Loin des caresses de l'amour, ils sont jamais velours. Quand ils frappent sans foi ni loi, leurs femmes qui tremblent d'effroi. Femmes déliées, vous féroces, viol et cruauté en bosse. Évadez-vous loin de leur fer, avant de finir sous un seuil. Les coups font mal et marquent à vie. Plus de mains levées, de mépris, mes yeux d'elles les ennemis. L'amour n'est pas de larmes écrites. Vos coups assez, assez, assez, des poings et injures cessés. Voici donc, il s'appelle Lonnie Warner avec La peur du vide. Et quand les mots nous font défaut, quand les regards baissés se taisent, quand nos chaînes pèsent un peu trop, à deux nourrir d'amour en nous. Pour juste un peu frôler la vie, quand la morale est un fardeau. Au premier soir, juste avant qu'il soit trop tard, ouvrir la porte à nos hasards, à nos oublis. Comme mon silence me délie, c'est cette faute qui la peur du vide. C'est veiller comme on s'abandonne, loin des cris du monde et des dieux, savoir que la vie nous pardonne. En souvenir gravé l'écho d'un sourire ou de quelques mots. Au fil du temps le cœur se lasse, et c'est la vie qui passe. Au premier soir, juste avant qu'il soit trop tard, ouvrir la porte à nos hasards, à nos oublis. Comme mon silence, nos délits, c'est cette faute qui nourrit la peur du vide. We'll be right back.

de le trouver pour effacer tous nos problèmes. On lui dit bien souvent merci et on est heureux qu'il soit là. Nous pouvons le chanter et dire adieu à nos problèmes. C'est un petit air de Musset, il est tout simple, sans prétention. Ce n'est pas facile, l'on voudrait se concentrer sur un sujet très important, demandant beaucoup d'attention. Il arrive d'un coup tout tranquille et on ne peut plus l'oublier. Il est là pour longtemps, on est pris dans son

laisse avec Lily. Le titre, plutôt avant, c'est plutôt Lily's avec des clics. Et puis juste après, en duo, avec Lily Harmony. Donc un petit bonjour. Pourquoi est-ce que j'ai si peur dans le noir? Plutôt que transparente, oui, je vais exister. Je vais me libérer. Et elles vont pouvoir se déployer. Tous les matins sont faits. Je vais être loin. Pensant les meurtres d'abord, leur jamais parlé, sans jamais crier. Ils s'aiment en silence, sans jamais mentir ni se retourner. Ils se font confiance. Si vous saviez comme ils se foutent de nos injures, ils préfèrent l'amour, surtout le vrai, à nos murmures. La la la. D'autres gens qui s'aiment si fort, qui s'aiment comme on dit normalement. De cet enfant tellement absent, de ce mal du sang qui court et tue si librement. Pierre Mackenzie. C'est le prince d'hôtel et le high man lista, le soldier rasta, King Kimasa, Mr. Play Play, Mrs. X Gabon de Maroasa, a.k.a. Big Mackenzie, le Black Prophet. Tu reconnais? Oh, ma sexy, sexy show. C'est la seule femme que j'aime, la seule femme que j'admire, la seule qui me fait languir. Lady, ce soir je veux qu'on aille danser, juste toi et moi. Comme ça, lady, tu sais que j'aime te voir danser, tu sais que j'aime te voir mouver, tu sais que j'aime te voir bouger. Allons, vas-y, bouge, vas-y, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, bouge ton body, pour toute la night, vas-y, bouge ton body. Ça au picoussi, de la psycho à la salsa, du madame de Obenzi. Vas-y, danse, danse, danse, du macosa au picoussi, de la psycho à la salsa, du madame de Obenzi. Vas-y, danse, danse, danse, donne-moi